scientifique Chubahiro. Bonsoir et bienvenue à cette édition de la soirée dont voici les principaux titres. Les évêques catholiques du Burundi interdisent aux prêtres d'accorder la parole aux laïcs lors des messes pour couper court à certains clientélismes qui commencent à se faire remarquer selon l'archevêque de Bujumbura, Mgr Gervais Banshimiyubusa. Certains membres du syndicat des enseignants SLEB accusent le responsable de détournement de 80 millions de francs burundais, une des accusations qui ont été à l'origine de la destitution du président de ce syndicat selon la nouvelle équipe qui se réclame être à la tête du SLEB. À Ouluri, deux personnes ont été condamnées chacune à 2 ans de prison, accusées de mettre en danger la sécurité publique après avoir été surprises en possession des cartouches pour armes à feu. Notre correspondant au sud nous fera le point. Les détails de ce journal mis en onde par Albert Ndouayo, c'est dans quelques instants. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Certains membres du syndicat libre de l'enseignement SLEB accusent le nouveau président du dit syndicat de mauvaise gestion. Dans un communiqué de presse sorti, ces membres du syndicat SLEB l'accusent d'avoir déjà débloqué d'une manière injustifiée plus de 80 millions sur le compte de ce syndicat durant les 2 mois qui le dirige. C'est cela qui a poussé l'Assemblée générale à le destituer. C'est le Jean de Dieu Ndaye Gamillé qui dit avoir été élu au poste de secrétaire exécutif du syndicat SLEB. Suivez-le. Nous venons d'élire les nouveaux organes il y a 2 mois et nous avons remarqué qu'à partir du 2 février, il n'y a aucune activité en train d'être réalisée au niveau du syndicat. Nous nous sommes informés et nous avons eu l'information que les nouveaux organes sont en train de détourner les fonds et cotisations des membres du syndicat. Après avoir mené les enquêtes sur ça, nous avons trouvé qu'ils ont déjà retiré sur le compte du syndicat 88 138 000 francs. C'est pour cela que nous sommes rassemblés en Assemblée générale pour contester contre cela et nous avons destitué le comité et nous avons mis un nouveau comité. Les 80 millions ont été affectés à quel projet? Exactement, c'est cela qui nous apporte beaucoup d'inquiétude. Ils ont retiré 88 138 000 francs sans aucun projet préalable. Vous voyez que c'est fort inquiétant. C'est pour cette raison que nous sommes rassemblés pour les destituer. Et nous pensons que nous allons poursuivre ce dossier parce que nous ne voyons aucune activité en train d'être réalisée jusqu'à aujourd'hui. Vous dites donc plus de 80 millions durant les 2 mois. Consultez vous-même le relevé bancaire. Nous en avons ici. Est-ce que vous l'avez annoncé aux autorités compétentes? Exactement. Nous avons adressé une lettre au ministère chargé de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Et nous pensons qu'ils vont nous entendre. Je vous le disais dans les titres, le Conseil des évêques catholiques du Burundi a décidé que les prêtres doivent s'interdire d'accorder la parole aux laïcs lors de la célébration eucharistique en vue de respecter le rituel de la célébration des messes. La mesure a été annoncée dans une déclaration datant du 9 mars de cette année. Selon l'archevêque de Bujumbura, Mgr Gervais Banshimiyubusa, la mesure fait suite à un clientélisme constaté dans le chef de certains prêtres burundais. Écoutez Mgr Gervais Banshimiyubusa, traduit par Aimé Richard Niyomuru. C'est vraiment triste de voir que certains prêtres, bien que sachant leur rôle de faire respecter la liturgie, ils s'habituent à accorder la parole à certains chrétiens ou d'autres passants, alors que ce n'est pas prévu. La deuxième irrégularité, dans certaines paroisses, les prêtres le font parce qu'ils ont eu des plaisants ou des promesses ou même selon des affinités avec ces chrétiens. Pour cela, ils sont gagnés par la peur lorsqu'il y a présence de ces chrétiens, d'où ces prêtres préfèrent outrepasser la loi liturgique. Troisièmement, il y a des chrétiens qui se réfèrent sur leur position dans le pays et se croient en droit de prendre la parole quand ils assistent à la messe, comme si la messe peut être assimilée à d'autres rencontres de prière. Cela déroute les chrétiens et sème le trouble dans la foi et dans l'enseignement catholique sur le Saint-Sacrement. savez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Actualité politique en bref. À présent, la Chambre basse du Parlement a analysé ce mercredi le projet de loi portant révision du code électoral. Pascal Balandagué, ministre de l'Intérieur, qui s'est présenté devant l'Assemblée nationale pour présenter ce projet de loi, a expliqué que cette révision a été demandée par les partis politiques et la Commission électorale nationale indépendante. Parmi les modifications contenues dans ce texte figure le commencement d'élections par les élections présidentielles, quitte à ce que les autres types d'élections viennent après, ainsi que le montant de caution qui a passé de 15 à 30 millions de nos francs pour l'élection présidentielle. Page justice à présent, rendons-nous dans la province de Bururi. 2 ans de servitude pénale et une amende de 500 000 francs burundais chacun. Telle est la peine prononcée par le tribunal de grande instance de Bururi le soir de ce mardi à l'encontre de 2 jeunes gens arrêtés jeudi dernier à Ruyaga, en commune et province Bururi, en possession d'une cartouche chacun dans sa poche. Nihemu Kadidas, étudiant à l'université des Grands Lacs, et Niomu Guérinikaise en motard, se sont rendus coupables de mise en danger de la sécurité publique au moyen des armes. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Dans cette audience pénale en matière de flagrance, Nihemu Kadidas, étudiant à l'université des Grands Lacs, et Nikeze Nyomungere et Motar ont reconnu qu'ils étaient en possession d'une cartouche chacun dans sa poche lors de leur arrestation à Ruyaga, lors des travaux de développement communautaire en tête desquels était Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi. Pour maître Pierre Claver Nduimana, avocat de la défense, ces jeunes gens n'avaient aucune intention de perturber la sécurité, comme le faisait valoir le parquet de Bururi. Cet avocat explique que ces jeunes ont déclaré que ces cartouches leur servaient à se protéger contre les fétiches et qu'ils ne pouvaient pas se présenter aux agents de la sécurité du président de la République pour être fouillés s'ils avaient réellement l'intention de nuire. Après délibération, le siège a décidé 2 ans de servitude pénale et 500 000 francs burundais d'amende chacun à l'encontre de ces jeunes gens pour mise en danger de la sécurité publique au moyen des armes. D'une part, maître Pierre Claver Nduimana dit être satisfait du fait que la reconnaissance par ces jeunes gens des objets saisis a atténué la peine que le parquet avait portée à 10 ans de servitude pénale et une amende de 2 millions de francs burundais chacun. D'autre part, selon cet avocat, le parquet de Bururi n'a pas prouvé que ces jeunes avaient l'intention de nuire, élément moral qui manque pour qualifier ces actes comme infraction. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Isanganiro. Revenons dans la capitale économique du Burundi, au centre-ville. Certains des marchands opérant autour de l'ancien marché central de Bujumbura disent être prêts à dégager une fois que les travaux de construction débuteront. Même s'ils n'ont pas voulu s'exprimer au micro de la radio Isanganiro, ils indiquent qu'ils essaient de mener leurs activités malgré la saleté. Marie-Claire Kazeneza a fait le tour le matin de son mercredi. Voici son reportage. Arrivé à la place où se trouve l'ancien marché central de Bujumbura, tu es accueilli par beaucoup de gens qui font du commerce. Il s'y observe également une grande partie qui est clôturée par des tôles, mais quelques-unes parmi elles sont déjà par terre. En face du parking des bus allant vers le nord de la capitale, on observe des personnes qui sont en train de causer et d'autres qui, apparemment, sont au rendez-vous. Côté ouest, en face de la régie nationale de poste, on y trouve des déchets éparpillés ici et là. À côté de ceux-ci, des gens assis sous l'ombre qui étendent leurs marchandises. Parmi ceux qui se sont exprimés hors de nos micros le matin de ce mercredi, ils nous ont fait savoir qu'ils essaient d'aménager cette place malgré la saleté. Au parking des bus, dont beaucoup d'entre eux se dirigent vers le sud de Bujumbura, on y voit de petits bâtiments bien aménagés où les gens peuvent se reposer. En tournant à gauche de cette place, on y voit un mouvement de gens et d'autres qui font également du commerce. À l'intérieur de cet ancien marché, on aperçoit des arbres et des herbes qui poussent et des déchets qu'on jette dedans. Ces gens qui essaient de mener leurs activités nous ont indiqué qu'ils sont déjà prêts à quitter cet endroit dès que les travaux de construction débutent. Même si ces travaux n'ont pas encore commencé, le Conseil des ministres, qui a été réuni le 19 septembre 2018, a annoncé que les travaux d'érection de cet ancien marché central de Bujumbura ont été accordés à une entreprise d'origine chinoise. Merci Marie-Claire Kazeneza. Mais avant d'arriver au centre-ville, Denis Dopoul s'observe sur certaines routes du sud de la capitale économique Bujumbura qui causent beaucoup d'accidents de roulage selon certains usagers de ces routes. Il propose que ces trous soient rebouchés ou que ces routes soient complètement réhabilitées. Reportage d'Aimé Richard Nyongour. Sur la route nationale numéro 3 et N3 en sigle, dans le quartier Kanyosha, c'est là où on trouve la partie la plus menacée. Les conducteurs des vélos et des tuk-tuk rencontrés au niveau de la station Kingstar nous disent que ces nids de poules causent beaucoup d'accidents et demandent qu'ils soient rebouchés et que la route soit réhabilitée. Sur cette route, il y a beaucoup de nids. Et celle de Kumbuan est très abîmée. Les accidents sont nombreux. Si vous essayez de passer à côté d'un nid de poules, vous pouvez heurter une voiture se trouvant devant vous. Surtout, les conducteurs de vélo se bousculent parce qu'il y a un nid de poules. Et parfois, ils nous coupent la priorité. De même pour un motard. Et cela peut causer des problèmes. Au moment où les uns attendent la réaction du gouvernement, il y en a d'autres qui ont déjà pensé aux bonnes initiatives. Cet homme rencontré sur la route nationale numéro 7 au niveau du pont Moura nous explique ici les raisons qui lui ont poussé à reboucher ce grand nid de poules qui se trouve près du Doda. Il y a des voitures qui y passent. Ils m'ont dit, va voir là où il y a des nids de poules et reboucher-les. Les gens de bon cœur, ils te donneront une rémunération. Si c'est 100 francs ou 200 francs, ça dépendra de celui qui le veut. Ces nids de poules s'observent aussi sur la RN3 au niveau de la station Kingstar. Nous sommes dans la zone urbaine de Kanyosha, sur la première avenue du quartier Kanyosha. Et dans la zone Moussaga, sur la N7, tout près de la station Gare du Sud. Merci Aimé Richard Nyongourou. Du sud de Bujumbura, rendons-nous au nord. Des jeunes qui ont terminé leurs études universitaires et qui exercent le commerce de transfert ou de retrait de l'argent électronique près du marché de Kinama, en cours de réhabilitation ici à mairie de Bujumbura, affirment que cette activité les aide à subvenir à leurs besoins. Ils expliquent qu'ils étaient fatigués de passer de longues années sans emploi tout en continuant à être à la charge de leur famille. Ces jeunes restent confrontés au manque de capital. Ils interpellent cependant les autres à faire preuve de créativité en évitant de rester les bras croisés dans l'attente d'un emploi incertain. Les détails avec Vestine Boutoyi qui a rencontré certains d'entre eux. Étant dans des parapluies de l'Umitel, situés tout près du mur du marché d'Okinama en cours de réhabilitation, un de ces jeunes indique qu'une des raisons qui l'a poussé à faire le commerce du retrait de transfert d'argent électronique est qu'il était sous-employé pendant un long moment. Raison pour laquelle il était obligé de demander tout ce dont il a besoin à sa famille. J'étais allé vivre dans une famille là où j'ai passé 3 ans sans toutefois décrocher du travail et je me suis organisé moi-même dans le peu de capital que j'avais et commencé ce projet de faire la transaction à travers le Mikash. Actuellement, grâce à cette activité, il affirme qu'il n'a plus besoin d'aide pour subvenir à certains de ses besoins. Aujourd'hui, je suis en paix financièrement indépendant, sans toutefois faire recours auprès d'autres. Je peux m'acheter quelque chose, quels que soient les habits ou des unités pour rester en contact avec mes amis. Cependant, le capital insuffisant est l'un des problèmes majeurs auxquels ils font face. La demande d'un client peut être supérieure à notre capital, puisque nous utilisons un peu de capital. Pour cela, il peut venir faire la transaction de l'argent qui est un peu supérieur à notre capital et le client peut y aller sans toutefois le servir. Au moment où ces jeunes qui ont terminé leurs études universitaires et qui font le commerce de transfert ou de retrait d'argent électronique via l'Imicash ou EcoCash demandent aux autorités compétentes un appui financier et interpellent les autres jeunes à être créatifs dans le but d'éviter de rester les bras croisés en attendant l'emploi venant d'ailleurs. Merci Vestine Boutoui. Pour clôturer ce journal, page environnement, multiplier et protéger les animaux sauvages dans les parcs nationaux attire les touristes, ce qui contribue au développement du pays. Le secrétaire permanent au sein du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Environnement l'a dit ce mercredi lors de la remise d'une gazelle dans le parc national de la Rusizi. Emmanuel Ndolimana lance un appel à toute la population de contribuer à la protection des animaux sauvages. Suivez-le. Le but de notre descente ici dans le parc national de la Rusizi, c'était d'abord de sensibiliser la population burundaise pour qu'elle puisse participer activement dans la protection de l'environnement et surtout dans la protection des êtres vivants, des espèces en voie de disparition comme les animaux sauvages que vous avez vus. C'était une occasion de mettre cet animal qui a été trouvé dans la commune d'Isale, le mettre dans cette aire protégée qui est la réserve nationale de la Rusizi. Nous interpellons toute la population burundaise de protéger les animaux sauvages, ils sont en voie de disparition, alors que c'est une source de revenus pour le développement du pays. C'est par cet élément que nous mettons un point final à cette édition de la soirée, mais vous retiendrez que les évêques catholiques du Burundi interdisent désormais aux prêtres d'accorder la parole aux laïcs lors des messes pour couper court à certains clientélismes qui commençaient à se faire remarquer, selon l'archevêque de Bujumbura, Monseigneur Gervais Banchimiyubusa. Et certains membres du syndicat des enseignants célèbres accusent les responsables de ce syndicat de détournement de 80 millions de francs burundais. Et à Wuli, deux personnes ont été condamnées chacune à 2 ans de prison, accusées de mettre en danger la sécurité publique après avoir été surprises en possession de cartouches pour armes à feu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à Albert Ndouaïo qui a assuré la mise en onde, Pacifique qui vous le présentait. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.